Taxi Woman, un texte de Eric Delphin Kwegwe pour le comité de lecture de Point Commun. Un texte qui nous a été envoyé par Jeune Texte en Liberté. Dans mon taxi, je rencontre tout genre de personnes. Ceux qui sourient, ceux qui ne sourient pas, ceux qui disent bonjour, ceux qui ne disent pas. Ceux qui sont de bonne humeur, ceux qui ne le sont pas. Je rencontre les aigris. Les gentils, les fourbes, les sournois, les entendants, les malentendants, les cochons, les bandits, les escrocs, les justes et les efféminés. Je rencontre les mauvais, les filous, les colériques, les joyeux, les sans émotion, les putes, les infidèles, les malades, les riches, les moins riches et les pauvres. Je rencontre les vieux, les jeunes, les handicapés, les femmes enceintes, les dragueurs, les gigolos, les divorcés, les veuves, les hommes honnêtes et malhonnêtes. Je rencontre aussi les morts, ceux qui crèvent dans mon taxi quand on est en route vers l'hôpital, ceux qui crèvent par suite d'accidents, ceux qui crèvent parce qu'un alcoolique les a cognés. Mon taxi est un fourre-tout. Toutes les pourritures de mon taxi y ont laissé leurs traces, leurs marques, leurs odeurs. Sur les sièges de mon taxi, devenu objet archéologique, je lis l'histoire des hommes, l'histoire décousue de mon pays, trois fois colonisé. Cette sueur qui dégouline de tous ces corps magasins d'émotions refoulées, ces corps pâte à modeler de dictature, ces corps instruments à soumission, ces corps beaux, laids, moches, bruns, noirs, métis, albinos, blancs, chinois, arabes, infirmes, cette sueur puant leur ras-le-bol, cette odeur de sueur qui dit l'état des hommes, l'état du monde. Mon taxi est un petit monde ambulant, un petit monde roulant qui roule sur l'infortune du passé, sur les fractures du présent. On paye les impôts, on paye les assurances, la carte grise, toutes ces vignettes, ces taxes syndicales, ces taxes communales, et l'argent disparaît dans les caisses de l'État, l'État éponge, l'État aspirateur. Je suis la conductrice d'un micro-monde peint en jaune qui roule sur du bitume allemand, sur du bitume anglais, sur du bitume français, trois fois colonisé, et l'état des routes dit l'état de l'État, avec des crevasses qui parsèment la chaussée, des égouts bouchés depuis des années, des inondations, des lacs au niveau des carrefours, des signalisations avec coupures constantes d'électricité, et à quoi ça rime? On paye au pays le droit de creuser notre propre tombe. La malheureuse réalité, on le porte au quotidien. Malgré l'état malade de l'État, l'état malade des choses, mon taxi reste un lieu d'accueil qui réconforte, apaise certains. Oui. Au volant de mon taxi, je suis témoin d'un monde fracassé, d'un monde qui n'est pas, d'un monde qui aspire à devenir, d'un monde qui cherche à brûler les étapes, à l'inverse du monde, en vitesse. Mon pays peine à démarrer, roule lentement, ça klaxonne trop, ça cogne les piétons, ça freine où il ne faut pas, ça se heurte au développement, se fait heurter par des dictatures. Ça confond, accélère et embraye, ça clignote à droite au lieu de clignoter à gauche. Ça viole les feux, c'est ça qu'il sait le mieux faire. Ça se laisse rattraper par les embouteillages des indépendances. Ça s'emmerde quand on approche des élections parce que le nom du vainqueur trône sur les lèvres depuis des décennies. Oui, le pays comme moi dans mon taxi. On prend les raccourcis, évite les péages, s'arrête pour laisser pisser les hommes, pour laisser vomir les femmes. Et les vieux en mal du pays ou en mal de taxi n'ont qu'à tous crever. Un gosse dans un taxi, c'est comme une bête apprivoisée. Il est calme, tranquille, curieux, observateur. L'intérieur d'un taxi est un lieu à part qui offre une autre émotion, une vision panoramique, l'émotion d'être celui qui observe les autres. Le pays, un pays en panne d'essence, sous-sol florissant et le prix du carburant grimpe à chaque changement d'humeur. Les tontons bobos n'ont qu'à tout exploiter. Le peuple est un gosse somnolent. Les pilleurs en profitent. Quand vous êtes assis tout près de la vitre, que vous laissez votre regard traîner sur ces paysages chaotiques, sur ces scènes de violence, sur ces pauvres commerçants ambulants, sur ces piétons affamés, sur ces montagnes d'ordures, sur ces bandes d'ados délinquants, sur ces quartiers marécageux, sur ces bidonvilles à n'en plus finir, sur ces lycéennes qui escaladent les barrières des lycées, sur ces corps écrasés sur la chaussée, sur ces kilogrammes de plastique qui flottent dans les airs. sur tous ces corps déambulant comme des malades sous un ciel canicule. Quand vous regardez tout ça, juste pour une fraction de seconde, vous vous dites « Je suis à l'abri, en sécurité, dans ce taxi ».